enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Pagette Nancy 94.2. Yves est installé à la technique avec la charmante Emma pour aujourd'hui, Daniel en votre compagnie, avec Dominique et Serge. Dominique bonjour. Et Serge pour vous présenter bonjour. Patchwork numéro 41. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Bonjour Serge. Bonjour. Salut Daniel. Voilà. Salut à tous. Dominique, Serge, des anciens animateurs des années 80, où nous étions sur une radio qui n'existe plus maintenant. Et puis nous nous sommes retrouvés grâce à Facebook et Dominique. Et puis voilà, maintenant eh bien, nous présentons nos émissions ensemble. Au programme d'aujourd'hui, un voyage aux Seychelles. Avec des invités prestigieux, des artistes que vous aimez, des artistes qui n'ont pas hésité à se déplacer pour participer à notre émission. Merci Bibi, merci Alan. Bonjour Bibi. Merci. Bonjour à tous. Bonjour merci à vous. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Alan. Allez, bonjour et bienvenue sur Radio Pagette. Tiens, écoutez. Regarde. Le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Avec leurs voix les plus talentueuses, Bibi et Alan ne laissent pas les spectateurs indifférents. Avec un talent qui se laisse admirer à sa juste valeur, Bibi et Alan enchantent leurs auditeurs avec ces voix qui s'adaptent, et ça c'est pas évident, ces voix qui s'adaptent si facilement à tous les styles. Et leur timbre a su charmer les plus grands, ils ont su se faire connaître et imposer leur talent dans le monde de la chanson. Alors toutes les chansons qu'on va écouter aujourd'hui, ce sont toutes des chansons interprétées par Bibi et Alan. Besoin de rien, envie de toi. Ah oui, ah oui, oui, oui, vous êtes trompé, mais tant pis. C'est Bibi et Alan qui les chantaient. Bibi et Alan, vous avez déclaré dans des médias que vous n'étiez pas, cherchez pas à être célèbre, hein, que vous n'étiez pas des stars, on ne sait-on jamais. Pas du tout. Non, mais alors qui êtes-vous? Des gens simples, des gens simples, des chanteurs simples, tout simplement. Bon, on a eu la chance d'avoir de très bons moments, de partager de très bons moments. Alors, qui sommes-nous? Ben, nous sommes donc un couple déjà dans la vie et sur la scène également depuis donc 40 ans que nous sommes mariés. Nous habitons dans un département qui s'appelle la Haute-Marne et on habite près d'un village qui est très connu qui s'appelle Colombey-les-Deux-Églises. Voilà, nous on habite à Donjeux exactement. On est tout près de Colombey-les-Deux-Églises, voilà, qui est très connu de tous les Français. Voilà, sinon... Attendez, moi, j'aimerais qu'on vous connaisse un peu plus. Alors, on va peut-être commencer avec Bibi. Hein? Oui. Oui, on y va. Dites-moi tout. Alors, Bibi, vous naissez où? Alors, je suis née à Chaumont, dans le 52. Et donc, Alan est né à Saint-Dizier. C'est un brave gars, un bragard. D'accord. Bon, et alors la chanson? Ah, la chanson, moi, ça a débuté quand j'étais toute petite, puisque mes parents à Donjeux tenaient une espèce de discothèque. Et dans les années 60, c'était les guinguettes le dimanche après-midi avec les orchestres. Donc, vu que je suis née en 60, j'ai été baignée complètement dans la musique dès mon plus jeune âge. Alors, on ne vous cache rien hein, aujourd'hui. Non. À 2 ans, paraît-il que je dansais déjà le twist sur la piste. De la danse classique aussi. Et j'ai fait, oui, une trentaine d'années de danse classique. Alors, vous aviez une artiste, une chanteuse préférée peut-être dans la tête à cette époque? Oh, mon chanteur préféré, c'était Mike Brandt. Il était beau, il chantait bien. Je confirme. Écoutez, voilà. Oui, tiens. On est de la même génération, donc oui. Voilà, bon, inaccessible. Il sera content, Alan, tout à l'heure, parce qu'il va faire une chanson de Mike Brandt. Bah, je l'ai forcé à chanter Mike Brandt. Danse classique? Alors, danse classique, ma maman m'a inscrite dès l'âge de 5 ans. Et puis, j'ai continué il y a peu de temps. J'ai arrêté dans les années 2000-2010 parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je dansais avec... moi, les week-ends, je bosse. Donc, j'avais que le mercredi. Et le mercredi, le créneau horaire pour faire de la danse classique, c'est avec les plus petites. Donc, j'étais la mamie du groupe. Alors bon, je n'avançais plus, donc j'ai arrêté la danse. Mais je fais toujours le grand écart. Alors... Ah bah tiens, on essaiera tout à l'heure, mais c'est pas très radiophonique par contre. Est-ce que ça vous sert dans vos prestations de... La danse? Oui. Oui. Ah oui, ça sert à avoir de la prestance sur scène, à bien se tenir, il y a le port de bras, de tête, de jambes, il faut quand même être correct sur scène. Ce que je reproche un petit peu aux jeunes actuels. On reviendra à Bibi tout à l'heure. Alan, vous naissez où? Alors moi, je suis né, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, donc en Haute-Marne, à Saint-Dizier, exactement. Voilà, donc je suis né uniquement à Saint-Dizier. Après, je suis venu habiter à Joinville. Voilà. Ah d'accord, c'est mieux. Voilà, c'était mieux, je ne sais pas si c'est mieux, mais bon. Voilà, pour les besoins de travail de mes parents, donc on était à Joinville. La chanson, comment je suis venu à la chanson? Oui. Alors jeune, j'aimais beaucoup la musique. J'avais monté, soi-disant, un groupe. Un espèce de groupe. C'est comme ça que j'ai attiré un petit peu Bibi vers moi. Donc, parce qu'avec Bibi, on s'est connus dans une disco de son village. Et puis, alors, je ne sais pas si elle a été charmée par le jeune homme ou par la voiture que j'avais. Mais donc, on a dansé ensemble. Et en dansant ensemble, elle m'a charmé en me chantant tout de suite dans l'oreille une chanson d'ailleurs qui est enregistrée sur notre CD années 70. Elle m'a chanté « Faisons l'amour avant de nous dire adieu ». Ah ben d'accord, ça démarrait, tout un programme. Ça démarrait bien. C'est un message. Voilà, et puis donc pour la draguer un peu plus, j'ai dit « Écoute, j'ai un groupe, j'ai un orchestre, si tu veux ». Alors elle, comme elle aimait chanter, elle m'a dit « ça marchait dans le panneau ». Le problème, c'est que je ne savais pas trop jouer. Vous savez, à la guitare, je faisais « ding, ding, bang ». Il faisait que deux accords. « Ding, bang », bon, ça n'allait pas. Mais bon, on s'est entendus et donc voilà, on s'est mariés, voilà. Et puis donc, bon, et je l'ai poussé dans la chanson. Alors après, on est venu à la chanson tout doucement parce que très jeune, on a créé un magasin de disquaires Vidéo Club. Et en étant disquaire Vidéo Club, on a eu la chance un jour d'avoir un chanteur au Marnais qui s'appelle Jacques Higan, qui était de Bourbonne-les-Bains, qui est venu pour présenter son 45 tours qui venait de sortir et savoir si on voulait bien le mettre en rayon dans notre magasin. On a sympathisé avec lui. On lui a proposé donc de venir chanter donc au magasin pour faire une séance dédicace. Et puis donc, lui, comme il a su que Bibi aimait chanter, elle ne chante encore pas, hein, elle aimait chanter, donc il lui a proposé éventuellement de rentrer dans son orchestre, de la tester. Hein. Et puis donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée dans l'orchestre de Jacques Higan. Et elle a fait d'ailleurs sa première télé, non pas en tant que chanteuse, mais en tant que danseuse avec Jacques Higan, puisque peu de temps après, il avait une télévision à faire ici à Nancy, sur France 3. Et donc, Bibi, avec notre petite vendeuse du magasin, on avait une très jolie vendeuse qui s'appelle Mercedes, il les a pris toutes les deux pour faire les danseuses donc, sur cette émission de télévision. Michel et Claude Genet. Alors Michel et Claude Genet, c'est donc après Jacques Higan, donc on est rentré dans l'orchestre Jacques Higan, Bibi est rentrée comme chanteuse, moi comme chanteur également, et pour des raisons professionnelles, donc moi je suis parti travailler donc dans la région de Lure, exactement. Travailler. Oui, c'est travailler. Travailler. C'est un métier, monsieur Riondet. Oui. C'est un métier, Daniel. Vous pouvez nous préciser le travail en question ? Alors, le travail est un travail de militaire. Oui. Faut préciser un peu plus ? Ah, il en a mis des PV, hein. Militaire de la gendarmerie, voilà. Je donne pas la marque de la voiture en sortant. Voilà. Donc, je suis parti donc dans cette région, donc pour exercer donc mon nouveau métier. Et comme l'orchestre Jacques Higan où on travaillait avait changé de direction en ne proposant plus que des concerts de shadows, donc des concerts instrumentaux de musique de shadows, ils reprenaient tous les grands standards. Il n'y avait plus besoin de chanteuses. Donc on a recherché un orchestre sur la région, donc là-bas de Lure, et on a eu l'opportunité de tomber un jour sur un article de journal comme quoi ils recherchaient une chanteuse et un saxophoniste. Et donc on a eu le grand plaisir de se rendre compte que c'était un très très grand orchestre, un orchestre international puisqu'il avait tourné au Japon, qui jouait beaucoup d'accordéon. Voilà, c'était le patron de l'orchestre, c'était un accordéoniste. Mais oui. C'était un orchestre familial, voilà, hein. il y avait le papa, le fils et le petit-fils. Voilà, donc il y avait tourné au Canada, tourné au Japon, donc on est tombé sur un très grand orchestre. Des accordéonistes, eh bien Bibi, nous vous écoutons dans l'accordéoniste. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts, c'est que l'on de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, pas le bas, pas le haut. Elle a envie de chanter. De joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera le java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts, c'est que l'ombre de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer ses physiques. Tout son être étendu. C'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Sec et nerveux, ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de gueuler ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez, arrêtez. Et puis un jour, on a quitté sa chrysalide pour prendre son envol, l'autonomie de Bibi. Alors ça a commencé déjà avec l'orchestre de Michel et Claude Genet, puisqu'il y avait un chanteur-guitariste qui me proposait à cette époque-là, sur Belfort, de faire des piano-bars, de chanter dans des piano-bars. Alors, je dis toujours oui, moi. Alors, je dis pourquoi pas tester. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, mon chef d'orchestre m'a dit, mais tu veux pas faire un CD, ton premier CD? Bah oui, pourquoi pas. Allez, hop, on est parti à faire un CD qui s'appelait Aime-moi. Aime-moi, alors avec des reprises et deux compositions personnelles. Ouais, trois compositions personnelles et cette reprise. Et puis, de là, j'ai fait les émissions de Pascal Sevran parce qu'il y avait Marc Provence qui était directeur littéraire de chez Paul Becher. Alors, on reviendra sur Pascal Sevran tout à l'heure. Oui. On va en parler beaucoup. D'accord. Alors, je continue ou j'arrête? Ah, ben oui. Non, c'est ton autonomie, voilà. Donc c'est grâce donc au deuxième chanteur donc de l'orchestre Michel et Claude Genet qui a donc demandé à Bibi de venir faire du piano bar avec lui. Avec lui. Donc ils ont démarré tous les deux en piano bar et puis ben tout doucement ils sont enfin séparés en toute amitié hein, mais tout doucement Bibi est partie faire des piano bars toute seule et puis après avec moi et puis voilà ça a démarré comme ça l'autonomie voilà. Voilà. Alors, nous avons entendu une première chanson, Besoin de toi, envie de toi, Besoin de rien, envie de toi. C'était un duo. Voilà, qui était... Puis, on a entendu l'accordéoniste de Bibi toute seule. Oui. Et maintenant, on va essayer d'écouter Alan tout seul. Laisse-moi t'aimer, Alan. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps quand je te vois. Mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. Oh, oh, l'amour. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière. Toi tu es mon soleil. Laisse-moi t'aimer. laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi. De tous les voyages, laisse-moi, laisse-moi t'aimer, t'aimer. Oui. La chance aux chansons, une émission de télévision qui a duré quand même 16 ans. Au départ, c'était sur TF1, l'après-midi, et après, c'était sur Antenne 2. 16 ans, Bibi, la chanson chanson, Pascal Sevran. Eh oui, alors, dû à ce premier, la suite de ce premier CD, donc, je travaillais avec Marc Provence, qui m'avait fait donc des chansons. Et on les a montrées à Pascal Sevran, et qui a décidé de m'inviter sur son plateau. Donc du coup, j'y suis allée présenter cet album, Aime-moi, et j'ai chanté carrément tout l'album. Oui, et vous êtes devenue une fidèle de l'émission. Et je suis devenue une fidèle de l'émission. Une trentaine de fois, oui. Voilà. Elle a été diffusée en France et puis rachetée aussi à l'étranger. Alors comment il était, Pascal Sevran ? Ben, il était très sympa, mais en fin de compte, je ne l'ai vu que deux fois sur tout ce que j'ai fait comme émission. Parce qu'il fait chanter les artistes. Les émissions sont enregistrées. Elles sont enregistrées avant, donc ils font chanter les artistes. Et lui, il vient peut-être une fois dans la semaine pour présenter tous les chanteurs de ces émissions. C'est-à-dire que quand on regarde la télé, il y a un montage, bien sûr. Oui. Quand on regarde la télé, on voit Pascal Sevran qui dit, ben voilà, par exemple, Bibi Milizi va vous interpréter Piano Bar. Ça, nous, on ne l'a pas vu, ça. Nous, on a chanté, il y avait un coup Annie Cordy devant elle, après c'était Franck Michael. Et voilà. Puis après, elle passe un jour, Annie Cordy un autre jour, Franck Michael un autre jour. Est-ce qu'il était facile, Pascal Sevran ? Avec nous, on n'a eu aucun souci. Aucun, oui. Parce qu'à l'antenne, paraissait quelquefois Ah, mais si vous voulez détruire quelqu'un qui ne lui plaisait pas, si elle avait 2-3 kilos à perdre ou des cheveux trop longs ou autre, il faisait la remarque. Mais je n'ai jamais eu de remarque, moi, ça a bien passé. Ouais, toujours que des compliments. Ah ben, par contre, je peux raconter alors, une petite anecdote qui m'est arrivée sur l'émission. Quand je suis arrivée la première fois pour enregistrer, alors tout le monde cherchait Bibi, Bibi, Bibi, Bibi. Ben oui, alors à chaque fois je disais Bibi, c'est moi Bibi, Bibi. Mais non, non, on attend Bibi. Mais je dis Bibi, c'est moi Bibi. Donc ils me prennent, puis en fin de compte, ils me disent mais, ben en fait, t'es pas noire. Ben non, non, je suis pas noire, je suis blanche. Ah ben on a prévu du maquillage pour une noire, on attendait Bibi. Bibi. Alors du coup, ça a été la catastrophe, il a fallu recourir, chercher du maquillage pour une blanche. Ils attendaient Bibi qui chante tout doucement, voilà. Voilà. Donc on n'avait pas du tout la même couleur de peau, donc c'était dramatique pour le maquillage. La chanson chanson, c'est ma chanson. Composer Les Seychelles. On vous a dit qu'on allait vous parler des Seychelles. Et quel rapport il y a entre les Seychelles et Bibi Mélésine et Alan? Eh bien, ça, ils vont nous le dire. Oui, c'est parce que donc nous avons eu la chance, le plaisir surtout, d'aller donner 3 concerts aux îles Seychelles. Et ça s'est déroulé en 2001, voilà. Donc nous sommes partis donner pour le ministère de la Culture, donc 3 concerts là-haut à l'occasion d'une semaine de la francophonie. Et il y avait plusieurs pays qui étaient représentés, comment ça se passait? Non, il y avait uniquement que la France, c'était la semaine de la francophonie, donc avec nous, il y avait, je me rappelle, il y avait une troupe de théâtre, il y avait cuisiniers français. Le premier jour où on est arrivé, d'ailleurs, c'était la soirée des ambassadeurs, donc il y avait des ambassadeurs de plusieurs pays qui étaient présents, et donc c'était une soirée vin et fromage français. Oui, voilà. Il y avait la mode représentée, tout ce qui mode, est artistique, voilà. Hein, les tableaux, la sculpture. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous avez été reçus. Alors, nous avons été très, très... On va commencer par le début. Par le début, comment ça s'est passé? On a eu l'occasion donc de rencontrer dans un avion, de retour d'un voyage, on a rencontré dans un avion, j'étais assis à côté d'une personne originaire des Seychelles, et puis qui me demandait si on aimait son pays, patati patata, et puis il m'a raconté comme quoi qu'il était donc délégué au service du ministère de la Culture, et qu'il allait voir des spectacles en France pour recruter des artistes français. Donc, bien évidemment, ça n'a pas sauté dans l'oreille d'un sourd. J'ai toujours avec moi une documentation ou un CD. Donc, je lui ai expliqué que moi et mon épouse, on était artistes. Et puis, voilà, donc je lui ai donné la doc, je lui ai donné le CD. Et puis, il m'a dit, ça vous intéresserait de venir chanter aux Seychelles? Ben, pourquoi pas, bien sûr. Et il m'a dit, écoutez, on regardera, on écoutera le disque et puis on prendra contact avec vous. Alors, donc, on n'y croyait pas trop parce que, vous savez, on a eu des producteurs véreux, on a eu des demandes véreuses aussi. Et puis, en fin de compte, quelques temps après, 3-4 mois après, je reçois un fax du ministère de la Culture, comme quoi j'avais rencontré M. Jean Savine à l'avion et signé Philippe Le Gall, donc délégué du ministre de la Culture, et comme quoi qu'on lui fasse une proposition pour venir donner 3 concerts sur une période de 10 jours aux Seychelles. Donc, dans un premier temps, on a fait un devis, il fallait donner un tarif, un devis avec les musiciens. Donc, c'était un peu trop cher. Ils nous avaient dit qu'il fallait que les... Comment ça se fait? C'était trop cher. Ils nous avaient dit qu'il fallait que les artistes français considèrent que c'était un petit peu des vacances, voilà. Parce que 10 jours là-haut, donc c'était un peu des vacances. Donc, on a revu nos prix et donc on y est allé sans musiciens sur bande d'orchestre, tout simplement. Vous avez revu vos prix? On a revu le prix. Comment vous avez fait? Ah ben on a diminué. On a supprimé les musiciens. Donc voilà, au lieu d'aller à 5, on est allé donc à... Donc on a travaillé sur bande d'orchestre. Et puis là-haut, donc très très bien accueilli. Parce que sans le savoir, arrivé à l'aéroport, on avait voiture à notre disposition, chauffeur à notre disposition, j'avais une secrétaire à ma disposition. On a été invité à déjeuner également à l'ambassade de France. Et puis donc on a donné 3 concerts, dont un au stade de Victoria, de la capitale de l'île de Mahé. Bibi, vous gardez un très bon souvenir des Seychelles. Très bon souvenir, excellent. On a passé vraiment un séjour formidable, prête à y retourner, il n'y a pas de souci s'il nous rappelle. Mais c'était vraiment sympa. Et vous en avez profité pour composer des chansons? On en a profité pour sortir un petit single de 2 titres, Les Seychelles et puis L'amour c'est comme la mer. Et il a fallu faire fi ça parce qu'on était invités sur des radios, des télévisions aux îles Seychelles. Et donc, on voulait vraiment, en 2 mois de temps, conclure un petit album avec 2 chansons inédites. Voilà, qui étaient enregistrées avec les musiciens de Pascal Sevran. Alors, Dominique et Serge vont nous parler des Seychelles. Oui, effectivement, pour celles et ceux qui n'y sont jamais allés, qui n'ont pas eu cette chance-là, on va faire un petit topo. Il faut savoir que la République des Seychelles est un archipel de 115 îles situé dans l'ouest de l'océan Indien et qui est rattaché au continent africain. Et que toutes ces îles sont regroupées en un état dont la capitale est Victoria et c'est situé sur l'île de Mahé. La population des Seychelles est de 100 000 habitants, Victoria 30 000 habitants et les autres villes ont toutes moins de 4 000 habitants. Et à l'exception de pêcheurs venant des îles alentour, les Seychelles n'avaient pas de population indigène lors de l'arrivée des premiers Européens entre 1580 et 1750. Il faut savoir aussi que 98% des Seychellois sont d'origine européenne et africaine et sont principalement catholiques. Trois langues officielles, le créole seychellois, parlé par 97% de la population, l'anglais et bien sûr le français. L'économie des Seychelles repose surtout sur le tourisme et la pêche, la transformation de la noix de coco et enfin l'exploitation de la vanille. Et les produits agricoles, la cannelle, les patates douces, le manioc, les bananes, la volaille et le thon. Le salaire moyen mensuel aux Seychelles est de 553 euros. Ça fait pas lourd, mais on a connu des pays pour lesquels le salaire moyen était encore beaucoup plus bas. Oui, c'est sûr. Alors, vous avez écrit une chanson qui nous dit « C'est comme la mer ». Oui. Et si on l'écoutait ? C'est possible. C'est parti. Allongée sur le sable, moi je regarde le ciel. Au loin des bateaux blancs glissent dans le soleil. Je guette l'horizon, mais tu ne viendras pas. J'ai espéré des heures, mais c'est fini, je crois. Sur les plages de marée, il y a des enfants qui jouent. Mais je suis décalé, déjà si loin de tout. Et je ferme les yeux pour mieux penser à toi. Je revois ton visage qui passe devant moi. Souvent. Et on peut les voir aussi en tournée. Bibi Milesi et Alan en tournée. Ah, en tournée, alors des tournées, il y en a eu, il y en aura encore certainement. Dans les plus grandes tournées que nous avons eu l'occasion de faire, ça a été une tournée RTL Française des Jeux. Voilà, c'était une très grosse tournée puisque c'était une tournée d'été. On a démarré donc début juillet au Touquet. Tout le mois de juillet, on a fait donc la côte atlantique et au mois d'août, on a fait la côte méditerranéenne de Perpignan jusqu'à Nice. Voilà, donc c'était une très grosse tournée puisque il y avait à peu près 25 000, entre 15 et 25 000 spectateurs tous les soirs sur les plages puisque c'est des spectacles qui sont offerts aux vacanciers. Et puis donc cette tournée s'est faite un petit peu bizarrement parce que donc depuis 97 on avait créé notre propre société de production et on avait également acheté pour notre société un car podium, un ensemble routier, un 38 tonnes qui était une scène mobile, qui était un car podium. Et ce camion là donc ce car podium, je le louais souvent à un journal qui est très connu dans votre région qui s'appelle l'Est Républicain, et parce qu'ils avaient un car podium mais il y avait souvent besoin d'un deuxième car podium. Donc je leur louais souvent. Et quand la Française des Jeux et RTL ont eu besoin d'un car podium, ils avaient demandé à l'Est, ils avaient des connaissances avec un monsieur qui s'appelle monsieur Bertagnolo, Jean Bertagnolo, qui était le directeur. Et ils avaient des connaissances et donc ils avaient demandé s'ils pouvaient avoir leur car podium. Et comme le leur était pris, monsieur Bertagnolo a donc dit, ben écoutez, moi je connais un car podium, Bibi Milesi a un car podium, téléphonez-lui et vous allez peut-être pouvoir, il est peut-être disponible. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc on a loué notre car podium donc à la Française des Jeux, donc réunion au studio Bayard à Paris chez RTL. Donc enfin une première fois, il y a une personne de, un technicien de RTL qui est venu pour voir le car podium, si ça lui plaisait, etc. Et puis après, réunion donc à Bayard, et puis en discutant donc de la tournée du car podium, enfin tout ce qui sera au niveau budget, etc., ils ont appris, par notre bouche ou par la bouche de quelqu'un d'autre, que Bibi et moi, on était donc chanteurs tous les deux. Ils nous ont dit, ah ben vous chantez, et ben c'est très bien. Donc le soir, en première partie, vous allez peut-être monter sur scène un petit peu de temps en temps, et puis également faire des jeux, on a animé des jeux musicaux, il y avait des animations musicales, etc. Donc ça s'est fait tout bêtement, donc on est parti en tournée, du coup ben voilà, on chantait sur la tournée RTL et Française des Jeux. Alors on était à peu près 180 personnes sur la tournée, 10 Smirmorques, pour vous rendre compte un petit peu de l'ampleur, 10 Smirmorques, une quarantaine de petites voitures, une dizaine de petits camions. Voilà, donc ça déplaçait beaucoup de monde. Un bon souvenir. Ah, un très bon très souvenir, bon souvenir, oui. Oui, parce qu'on était en compagnie. On était tous les jours, voilà, on était tous les jours donc avec les animateurs donc de RTL, avec Jean-Pierre Foucault, Laurent Boyer, Julien Courbet, Éric Jean-Jean, Vincent Perrault. Donc on était tous dans le même hôtel, tous dans le même restaurant, mangeait ensemble. Le soir, on allait même en boîte de nuit avec Laurent Boyer, voilà, etc. Donc c'était très très très très bon souvenir. Les tours de chant, vous avez des tours de chant, vous faites du sur-mesure. Oui, alors donc on a environ 2500 chansons dans notre répertoire, dans notre catalogue, et donc on s'adapte, on a des choses spéciales années 60, des choses spéciales années 70, des choses spéciales années 80, spéciales 90, spéciales Céline Dion, Michel Thor, Maï Brand, Dalida, etc. Donc on s'adapte. Alors des personnes veulent vraiment un spectacle bien défini, d'autres ne savent pas, donc on leur fait un mélange de variétés, ou alors s'il y a des personnes qui veulent un thème particulier qu'on n'a pas, et ben si on a le temps, on va le monter, quoi, il y a pas de souci. D'accord. Et vous produisez dans quelle zone géographique? Alors on va dire 70%, ça va être le Grand Est de la France, mais sinon on part chanter, on va chanter en Allemagne, on va chanter en Suisse, voilà, on va chanter, on descend dans le midi de la France, on va sur Valence, on va en Dordogne, dans le Périgord, à Paris. Voilà, mais 70% c'est le Grand Est, c'est-à-dire les Vosges, la Marne, la Haute-Marne, le Doubs, la Côte d'Or. Est-ce que c'est pas pénalisant d'habiter d'Anjou, puisque vous habitez d'Anjou entre Joinville et Chaumont? Oui, non, non. C'est notre région, on se plaît. On est habitué à faire des kilomètres, ça nous gêne. C'est vrai qu'on dit, si on veut vraiment développer, il faut monter à Paris, mais bon, c'est... On est bien dans notre campagne. On y monte quand même à Paris. On est bien dans notre campagne. D'ailleurs, en parlant de tournée, on est venu au mois de décembre 4 fois chanter à Nancy. Voilà. D'accord. Alors, Dans nos tournées, on a bien sûr, on a des grosses salles de spectacle. On travaille pour des services culturels, hein, on travaille pour des mairies, on travaille pour des associations diverses, pour la foire à la patate, à la saucisse, à l'andouille, à tout ce qu'on veut. Et on, on travaille également parce que c'est notre métier, on en vit, hein, on en vit. Donc il faut s'adapter un petit peu à tout. On travaille également, on va apporter notre bonheur dans les maisons de retraite également. D'accord. Vous n'êtes pas au chômage. Encore une semaine. Et justement, non. Donc là, au mois de décembre, on est venu travailler pour des résidences ici de Nancy. On a fait Chevardet, je vais les nommer, comme ça on va leur donner un petit bonjour, puisque je pense qu'ils vont écouter. On a fait la résidence Chevardet, Boudonville, Pichon, voilà. Et puis on a chanté également à Orpéa-les-Signes, une maison de retraite Orpéa-les-Signes. Ok. Le chômage, l'enfant du chômage. Bibi, c'est quoi cette chanson ? Alors, l'enfant du chômage, c'est une chanson, une composition personnelle que j'ai enregistrée avec Roland Zaninetti, un accordéoniste vaugien. Maurice Larchange aussi. Et Maurice Larchange, l'accordéoniste qui ont composé. Larchange, qui a fait la musique. Et puis, donc, nous l'avons enregistrée à Épinal. À côté d'Épinal. À côté d'Épinal. L'enfant du chômage, Bibi. Un enfant dans la nuit courbait le dos. Un enfant secoué de sanglots. Un morceau de corde dans sa main gelée. Rançon que son père avait payé à la société qui lui donnait le pain, mais l'avait rejeté comme un chien. Son père, il n'y aurait plus jamais de crèche, juste une fosse creusée à la bêche pour un pendu qu'a tout perdu. C'était l'enfance en toi du chômage, aux yeux qui brillaient à mille étoiles. Un enfant dans la nuit courbait le dos. Un enfant secoué de sanglots. Il pensait à tous les Noëls d'antan, revoyant ses parents si heureux. Le cajolait, l'embrassait tendrement dans cette belle maison bien heureuse. Mais la tempête a soufflé sur leur paradis. À présent, il est seul dans la nuit, avec ses rêves, son mauvais rêve. Comme la rose et des bois, c'était l'enfance. dans la nuit courbait le dos. Un enfant secoué de sanglots. Ne pas ressembler aux autres bambins qui riaient sans crainte du lendemain. Et dans le froid de cette nuit de Noël, où la joie éclatait jusqu'au ciel. Pour l'enfant, il n'y avait plus de crèche, même plus de Dieu. Et rien que des larmes plein les yeux. Et puis le vide, les sans-abri. Milesi, Alan, des premières parties. Des premières parties. Alors, j'ai fait beaucoup de premières parties. Alors, on dit tout, hein. On va dire. Bah, tout aussi, je me souviens de tout le monde. Il y en a plus qu'un jour. On va dire Dave, Gold, c'est Jérôme. Linda D'Souza. Linda D'Souza. La Compagnie Créole. Ah, je l'attendais, celle-ci. Sim, on a fait Sim. Pourquoi la Compagnie Créole? Moi, je sais pas, j'y étais pas. Oui. Quand vous avez fait la première partie. Oui. Mais vous, vous y étiez. Oui. Alan aussi. Oui. Raconte ton histoire, parce que la Compagnie Créole, moi. Non, donc en plus, c'est moi qui avais placé la. C'était en Suisse, c'est notre société qui avait placé donc, la Compagnie Créole pour un spectacle en Suisse. Donc quand ils ont eu fini de jouer, donc j'ai été réglé donc les papiers, les règlements. Donc mais Bibi a trouvé que je suis resté un peu trop longtemps dans la chambre de Clémence. Jusqu'à quelle heure, Bibi? J'ai eu une petite scène de ménage jusqu'à la fin, c'est-à-dire que nous faisions pas la jusqu'à 2h du matin. Mais bon, il terminait, la Compagnie Créole terminait, il devait être minuit à peu près, le spectacle s'est terminé. Et nous on chantait 3h quoi, jusqu'à 2-3h du matin quoi. Et donc Alain pas là pour le début. Alors on était avec l'orchestre de Stéphane Courtereneau. Donc il n'était pas là au début, t'es pas là au milieu, et en fin de compte à la dernière chanson, il arrive, le sourire aux lèvres, tout. Bah, j'ai dit, tu peux repartir, hein, on a fini de chanter maintenant. Voilà, elle m'a fait sa petite crise de jalousie. Voilà. Oh, c'est sans doute qu'il est en train de négocier. Non, mais ça se fait pas comme ça, les papiers. Qu'il est pas facile, hein, le Alan, pour la négociation. Oh non. Il défend son beefsteak. Hein. Et puis Clémence aussi, je pense. Et si nous repartions un peu aussi. Seychelles. Oui, alors on repart aux Seychelles pour cette fois-ci les incontournables à faire aux Seychelles. Comment vous occupez quand vous allez dans ces endroits-là? Et Victoria, c'est un musée à ciel ouvert de l'époque coloniale britannique. Nous irons au jardin botanique et ce jardin abrite des palmiers, des espèces d'orchidées endémiques, ainsi que des tortues géantes et des chauves-souris frugivores. Ouais. On a vu les chauves-souris. Elles sont énormes. Et c'est vrai que c'est pas les petites chauves-souris qu'on trouve chez nous qui font 10 cm d'envergure. Là-bas, c'est des vrais vampires. Elles font fou. Oh bah la taille d'une buse, bonne buse, oui. Oui, c'est pas plus. Et les tortues géantes? Et les tortues géantes, on en a vu une centenaire. Oui. On a visité. Oui. On a eu le temps de visiter un peu les Seychelles. Et ce qui est très important aux Seychelles, c'est le coco fess. What is it? Le coco fess, alors c'est une noix de coco qui a la forme des fesses. Qui a la forme d'une fesse, quoi. D'accord. Et il y a l'arbre mâle et l'arbre femelle. Donc l'arbre mâle, c'est la fesse, et l'arbre femelle, c'est la fesse, et l'arbre mâle, ça représente presque un pénis, quoi. Hein. Donc il est très très connu, et d'ailleurs c'est interdit d'en ramener, hein. C'est très, très. Non, si vous voulez en ramener, voilà, ça coûte très cher. Très strict. Et il faut passer par les douanes, etc. Oui. Mais bon, voilà. Il faut les pointer. Et côté musée, et on, Serge ? Alors, côté musée, il existe le musée national, qui est incontournable, ainsi que le musée d'histoire naturelle, dédié à la faune et à la flore des Seychelles, bien sûr. Et bien sûr, la plage, les plages, mais de très belles randonnées aussi, au parc naturel de l'île de Mahé. Le point culminant est de 906 mètres, et la végétation tropicale promet des balades exotiques. On pourra même arpenter le Mont Blanc à 667 mètres. Alors, au sud de l'île de Mahé, à Lens-Intendance, il existe une superbe plage de sable blanc bordée de cocotiers ombrageants. Et cette plage mouillée, elle est ombragée, une eau superbe, une eau turquoise. Hein. Des vagues vigoureuses également ravissent les surfeurs. Et sans oublier, bien sûr, l'île de Nort, c'est une très belle île, une île très touristique. Alors toujours aux Seychelles, l'île Curieuse, c'est le refuge des tortues géantes dont on parlait tout à l'heure, qui viennent pondre sur les plages. L'île Sainte-Anne, la plus ancienne réserve marine des Seychelles, c'est un véritable aquarium naturel renfermant une faune sauvage et un récif incroyable. Enfin, l'île Silhouette, une île presque intégralement recouverte de forêts tropicales, luxuriante et jalonnée de sentiers de randonnée. De quoi se balader dans la jungle et venir se baigner sur les plages paradisiaques bordées de palmiers ou faire de la plongée pour voir en grandeur nature le monde de Nemo, des poissons colorés à foison et une chanson que vous avez composée, Bibi, Seychelles, le paradis sur terre. Tout à fait. Comme des perles magiques sur l'océan Indien, vous êtes idyllique et la mer et le bleu vous vont bien. À l'autre bout du monde, sur notre boule ronde, rien n'est plus beau que Mahé ou Praslin. Inondé de lumière et de milliers de fleurs, vos couleurs singulières nous ont chanté, font chanter nos cœurs. Le long des grèves blanches, les palmiers qui se penchent nous font rêver et dire c'est le bonheur. C'est cher, le paradis sur terre. Oui, oui, Alan, on va rajouter un petit truc sur les Seychelles. Un truc tout simple, c'est parce que quand des personnes ont su que nous allions là-bas aux Seychelles, on a donc la commune de Champagnier qui est de la Haute-Saône et qui est un musée de la négritude. Et les habitants de Champagnier ont voté dans les années, je ne sais plus combien, l'abolition de l'esclavage. Donc, la mairie nous avait donc donné des cadeaux pour offrir et remettre une copie de la charte, justement, de cette abolition, remettre au ministre là-haut. Et puis, donc, on a même également une grande maison de vin alsacienne qui nous a donné des vins. On avait plein de cadeaux emmenés, en fin de compte, au ministre là-bas. Voilà. Et nous sommes revenus avec des cadeaux pour redonner au musée de la négritude à Lure. Bibi, si je vous dis chrysalide 52. Alors, chrysalide 52, oui, ça fait une vingtaine d'années que je suis marraine de l'association chrysalide 52. Ce sont des personnes autistes et on se bat pour récupérer des dons un peu de droite et de gauche pour payer des vacances, du matériel. Du matériel. Voilà, c'est une association de parents d'enfants autistes. Voilà. D'accord. Et les enfants handicapés ? Alors les enfants handicapés, ça c'est la FEH, c'est l'association française des enfants handicapés de France Télécom et de La Poste. La Meuse. Voilà. Voilà. Alors, donc, il y a une section dans chaque département, donc section Meuse, etc. Et donc, pour eux, bah, c'est pareil, on leur offre un concert de temps en temps. Donc, on est allé pour eux même chanter jusqu'en Corrèze. Voilà. Un CD tout neuf, enregistré avec Sandra Valdura, l'orchestre Paradise. Tu es mon autre. Tu m'enrubanes et m'embryonnes, tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu, celle qui fait. Bibi, Alan, ce CD. Alors celui-ci, il est tout chaud, puisqu'il est sorti il y a tout juste un mois. Donc c'est un single 4 titres que Bibi a enregistré avec donc Sandra. Et sur ce CD, donc on peut trouver notamment une chanson qui s'appelle Telheim, qui est une reprise de Céline Dion et de Barbara Streisand. Le titre Si tout s'arrête de Bonnie Tyler et Karen Anton, et l'autre, je ne me rappelle plus exactement le titre. Voilà, donc c'est un CD que l'on trouve quand on se produit, mais on peut voir sur YouTube, notamment le clip vidéo de la chanson de Telheim que Bibi chante avec Sandra. Donc on tape sur YouTube tout simplement Bibi Milesi, Telheim. Et c'est ainsi, chers amis, que s'achève Patchwork numéro 41, à l'écoute des musiques du monde. Merci à Bibi et à Alan. Merci aux auditeurs. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à Emma pour la technique et à Yves également pour la technique. Et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et vous pouvez retrouver le podcast de l'émission en vous rendant sur le site de Radio Fadjet. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours, mais nous serons là bien sûr dimanche prochain pour la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fadjet Nancy 94.2. Ça c'est pour les Lorrains. Et radiofadjet.net pour les autres Européens. Allez, nous vous laissons en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.